Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. Vous écoutez Les Palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou pour la semaine du 18 au 24 octobre 2010. Elle est Stéphanie Gagné. Et il est Mathieu Plante, bien sûr. Ben oui, bien sûr. Hein, qui c'est d'autre évident. Que Mathieu Plante? Qui c'est qui anime une émission assez fou autre que Mathieu Plante? Personne. Il n'y en a pas. Donc, bienvenue à ce palmarès qui est un top 20 francophone et un top 20 anglophone. Comme à chaque semaine, on écoute donc un condensé de la meilleure musique que c'est pour vous offrir. Plein de bonnes choses à entendre aujourd'hui, dont 5 nouvelles entrées. Ouais, quand même, il y en a moins que d'habitude, mais quand même une bonne batch. Une petite tralette. Pas oui. une tralette. Mais non. Alors, on va entendre The Saltines, Soilwork, Carquois et Jérôme Minière tout à l'heure. Oui, mais on va commencer avec la position numéro 20 du côté francophone. C'est Vulgaire Machin, nouvelle entrée pour Je m'excuse, je t'aime de l'album Requiem pour les sourds. Et reste avec nous parce que plus tard, il va y avoir le bloc de nouvelles Guess What de Stéphanie Gagné. Oui, et aussi avoir, hein? Oh. Un instant classique. Et les meilleurs moments d'assemblage requis. Ça m'excite. Tant mieux. J'ai-tu l'air excité? Un petit peu, ouais. On a aussi Chantal Archambault en entrevue plus tard dans l'émission. C'est un gros programme. Ouais, quand même. Pour notre programme. Tu sais? Ouais. Commençons donc les Vulgaires Machins tout de suite. Sur C'est fou, 89 FM. Okay. 19. J'espère sincèrement que vous l'avez apprécié en tant que nouvelle entrée. C'était Soilwork avec The Akuma Afterglow. C'était ça. Ça a joué à la radio à cette heure-ci. Ouais. Première et dernière fois dans les palmarès. C'est fou, mais si les émissions de musique métaux veulent en jouer, ce sera leur métaux. Choix. La musique métal, c'est au pluriel, ça. Ouais. Musique métal, ben, ils en joueront. Nous, par contre, au palmarès, c'est fou, on juge que c'est peut-être un petit peu trop éveil. Bon, c'est dit. Avant ça, qu'est-ce qu'on a entendu? Avant ça, on a entendu Vulgaire Machin avec Je m'excuse, trois petits points, je t'aime. Ah ben merci. De rien, Mathieu. T'es pardonné, c'est bien parfait de même. oui, on a entendu le chiffre 19 entre les deux, là, une petite erreur de ma part, c'est pas grave, on va s'en replacer. Les chiffres, moi, tu sais, les mathématiques, hein. Tu me connais, les mathématiques, pas mon fort, hein. Bon.

diversity and loss. Join it if you must, but you must remember me. When the moon is in the trees, when all your castles turn to penitentiaries, along the sacred way, we wander every day, tear up the Tennessee. You want a piece of me now? Apple tree, life is a lady's breath, life is a mystery. Along the sacred way, we wander every day. Tear on the Tennessee, you want a piece of me now? The Dreadnoughts avec la pièce Cider Road, qui était une nouvelle entrée la semaine passée, c'est maintenant en 18e place. Donc... je trouve qu'il m'interrompt beaucoup, le gars de Dreadnoughts, par exemple. je trouve que c'est comme un petit peu un manque de respect envers l'animateur, mais bon. Donc, ça monte de deux places par rapport à la semaine passée. Juste avant, on a entendu le Pyromane, nouvelle entrée pour Carquois avec leur album Les Chemins de Verre à la 18e position. Oh, que oui, que oui, que oui, que oui. Vous êtes dans les palmarès C'est fou, un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. On a plein de choses à vous offrir, d'autres que de la musique aussi, par contre, du contenu qu'on pourrait dire très, très soutenant. Ça va, c'est comme un yogourt vers les 15h l'après-midi, ça te remplit un estomac jusqu'au souper. Je trouve. Hein? Donc, il y a la chronique Guess What tout à l'heure. On va parler de plusieurs nouvelles artistiques et culturelles. Oui, en effet. Il va aussi avoir un instant classique avec les meilleurs moments d'assemblage requis. Hey, on a ri. On a ri cette semaine, Stéphanie. Non. J'avais pas fini ma phrase, tu sais. Excuse-moi. Je voulais vous plugger, mais on va laisser faire. Ah, OK, excuse-moi. C'est-à-dire que c'est de 7h à 9h, du lundi au jeudi, à toutes les semaines. Mais parce que je suis modeste. C'est pour ça que je savais que t'allais dire l'heure, mais je suis modeste. Fait que je voulais... Tu veux pas que les gens t'écoutent, c'est ça? Non, c'est ça, le moins possible, s'il vous plaît. Il va avoir de la misère parce que t'es tout le temps là. Ah, c'est drôle, c'est drôle. qu'est-ce qu'on a aussi l'entrevue avec Chantal Archambault tout à l'heure vers les 16h, je dirais. Ouais, vers les 16h. Mais pour l'instant, on continue avec les 17e positions. Du côté anglo, on va entendre Chili Gonzalez avec Night Moves. Mais avant, on va entendre Kaloon Saloon avec Laisse-moi donc rentrer qui baisse de 6 positions. C'était numéro 11 la semaine dernière. Là, t'as-tu fini ta phrase? Là, j'ai fini. Vous êtes au palmarès, c'est fou! 89 FM. J'ai roulé deux jours sans m'arrêter. Enfin, trouver le chemin pour arriver à toi. Star, je suis rendu. Laisse-moi donc rentrer. Oui, non, bébé! Laisse-moi rentrer maintenant que je suis là. Tu m'as pas vu la face depuis des mois. Hey, hey, laisse-moi donc rentrer. Oui, non, bébé! T'as plaqué la porte et puis t'es parti. Tu m'as laissé le ménage et puis en me disant que je l'avais mérité. Oui, non, bébé. Oh, laisse-moi rentrer, j'ai deux mots à dire. Puis dis à ton chum que pas fini de m'haïr. Hey, laisse-moi donc rentrer. Oui, non, bébé. T'auras-tu peur de me laisser rentrer? T'as-tu la chienne de voir arriver? Serais-tu en train? Chez vous, je suis un peu saoul, puis je vais te faire filer doux. Je vais m'étendre mon long sur ton balcon en attendant que tu pètes les plombs. Ouais, je te jure que je suis pas pressé. Laisse-moi rentrer, puis tu verras de quoi je suis capable depuis que t'es plus là. Hey, laisse-moi donc rentrer. Ouais, non, baby. j'étais pas capable de rester mou. J'ai roulé deux jours sans m'arrêter, enfin trouver le chemin pour arriver à toi. C'est là je suis rendu, laisse-moi donc rentrer. Laisse-moi rentrer, pis tu verras de quoi je suis capable, pis que t'es plus là. Hey, hey, laisse-moi donc rentrer. Ouais, ton bébé. Ah ouais, ton bébé, laisse-moi donc rentrer. Au retour, Random Recipe, Land of Talk, Chinatown et 3,50, 4 barils, il faut dire comme ça. 3,50, 4 barils. Au palmarès, c'est fou. Numéro 17. Thank you. Chili Gonzalez. Chili Gonzalez, muy caliente. La pièce Night Moves dans les palmarès, c'est fou. El palmarès está loca. Oui, c'était une nouvelle entrée la semaine dernière. T'aimes pas El palmarès está loca? Non. On espère que c'est au moins approximativement l'espagnol. Je connais pas du tout l'espagnol, honnêtement. C'est bien, c'est facile à faker, je trouve. Bon, tant mieux. Ouais. T'as vu Chili Gonzalez à Voir, tu disais? Oui, si vous voulez regarder ça, je pense que Voir a des reprises aujourd'hui et demain, vers midi, 2h à peu près. Donc, si vous voulez voir ça, Chili Gonzalez était en semi-entrevue, mais plus performance. Là. On le voyait jouer du piano seul, comme ça, avec deux pianos de chaque côté de lui. C'était vraiment cool. Un piano de chaque bord, pas deux pianos de chaque bord. Ça s'arrêtait encore plus impressionnant. Hein? Ouais, non, là. Un piano à sa droite. Il jouait avec une main à gauche, une main à droite sur... Wow! Ouais. C'est quelque chose, c'est du talent. Oui, c'est vraiment le fun. Ouais, c'est chill, mon Dieu. avant ça, on a entendu Kaloun Saloon avec Laisse-moi donc rentrer. Ça descend de 6 places. C'est la 4e semaine de cette pièce. Ça a pas l'air d'avoir monté tant que ça et pas tant resté ou très longtemps non plus. Hein? Non. Ça stagne un peu. C'est plate, d'après moi, il est pas loin de s'en aller du palmarès. C'est dommage, moi j'aime bien Kaloun Saloon. Ouais. On va continuer avec les positions numéro 16 à l'instant. Du côté anglophone, c'est « Oh, tu vas aimer ça, Random Recipe » avec « Something on my mind ». Ça monte de 2 places, c'était nouveau la semaine passée. Oui, mais juste avant, on va entendre 354 Barry avec la pièce « Ram » qui aussi était une nouvelle entrée la semaine dernière. Petite information pour les gens qui écoutent les palmarès, c'est fou, comme source d'information sur la prononciation des noms des groupes. Danny Janvier du Dilicon m'a fait remarquer que c'est 350, espace ici, 4 Barry. Parce que c'est une histoire de moteur que j'ai absolument pas retenue. Tu m'as raconté en grand détail, mais je m'en souviens pas, je l'avoue. Je comprends rien, ça me passe par-dessus la tête complètement. Mais 350, OK? 4 Barry. 4 Barry. Oh! Fait que c'est clair, là? C'est clair. Je pense que c'est clair. On va se faire un devoir de le dire correctement. On va aller entendre 350, 4 Barry. Et on va souligner l'espace à chaque fois. Un peu comme l'AGE, UQTR. UQTR. C'est-à-dire en deux morceaux parce que c'est indépendant l'un de l'autre. C'est clair? C'est noté? C'est bon. C'est clair. Merci. Yo, 'cause I got something on my mind, I can't say. And it's burning my lips, I must say. And I'm trying to find the perfect wine. Slowly taking sips to express my shit. Cause I got something on my mind. I can't say. And it's burning my lips. I must admit. And I'm trying to find the perfect wine. Slowly taking sips to express my shit. Like a bottle of wine, red or white. You make my knees with my soul. I mean, I can't fight. Red tingling on my cheeks as you cross my sight. Sober up the planes and kiss me right. You might know this already, and that's alright. You're jumping on my heart, makes me feel so light. You're running through my mind, day and night. Please jump if there's a way you and me might. You got me spinning around, and that's okay. Who knew somebody could use the charm that way? Inside of me, I'm so hyper, but I lack polite. Please tell me if there's a way you and me might. Cause I got something on my mind. And it's burning my lips. I must admit. And I'm trying to find the perfect wine. Slowly taking sips to express my shit. Cause I got something on my mind. I can't say. And it's burning my lips. I must admit. And I'm trying to find the perfect wine. Slowly taking sips to express my shit. On my list, okay, now I'm getting sweaty and I'm blushing, alright. Oh, walk away if I don't leave my side. Yes, no, maybe's what I read from your smile. But rock, paper, scissors is way more my style. Please don't tell me to go fly a kite. Just tell me there's a way you and me might. Cause I got something on my mind. And it's burning my lips. And I'm trying to find the perfect wine. Slowly taking sips to express my shit. Cause I got something on my mind. I can't say. And it's burning my lips. I must admit. And I'm trying to find the perfect way. Slowly taking sips to express my shit. Random recipe avec something on my mind que Mathieu tripe pas, mais que moi j'adore. J'essaie d'accrocher, mais je suis pas capable à date. Comme je t'ai dit, il faut que tu les vois en spectacle, sinon ça marche pas. Ben, c'est mais parce que c'est joué à radio. Tu iras pas les voir en spectacle parce que tu ne tripes pas. C'est un peu ça, à date. Ouais, non, moi, je suis pas comme ça. Je suis pas comme toi, moi, Mathieu. Moi, je vais voir les groupes, même si j'accroche semi, juste pour voir si je vais accrocher au complet. Ben, j'apprécie ça, je trouve ça bien, j'aimerais ça être comme ça, mais j'ai comme... C'est pas que je suis fermé d'esprit du tout, là, mais c'est que je suis pas sorteur d'avance. Ah ouais, je t'apprends quelque chose. Je savais pas. Pour sortir, il faut vraiment que ça me tente, tu sais. Ou qu'on me force. Oui, j'ai eu l'expérience des deux. Forcé et aussi que, tu sais, tu veuilles. L'expérience des deux en dedans d'une période de 2 semaines, genre. Okay. Avant d'entendre Random Recipe, on a entendu du côté franco 350, 4 barils avec Ram qui monte de 4 places. C'était nouveau la semaine passée. On va aller à nos 15e positions. Et du côté anglo, tantôt, on va entendre Grinderman. Oui, avec la pièce Kitchenette qui monte de 1 place, qui était une nouvelle entrée la semaine dernière. Mais on va commencer avec Chinatown, une grosse nouveauté, hein? Très oui, récent. 2008. Ça reste bon pareil. Avec Bateau de Querelle, allez voir leur nouveau vidéoclip pour cette même pièce. Vous êtes au Palmarès, c'est fou. Partir mon amour.

Grinderman avec Kitchenette, qui était une nouvelle entrée la semaine dernière et qui est maintenant à la 15e position. Je m'attendais un petit peu plus intensément rock que ça. Ouais, mais c'est quand même pas super. C'est mollo, un peu rock mollo. Ça passe bien à ce temps-là, je trouve. Ouais. Grinderman, donc avec un loup sur la couverture. Fait que c'est pour ça que je m'attendais à du rock intense. Avant ça, du côté franco, on a entendu Chinatown avec Bateau de querelle. Ça monte de 4 places. C'était le voix à se passer sur l'album Cité d'or. C'est la fin de la première heure des palmarès, mais la deuxième s'en vient incessamment, je dirais. Oui, avec beaucoup, beaucoup de choses, dont l'entrevue avec Chantal Archambault, super, vers les 4 heures environ. Mm-hmm. Aussi, les un instant classique pour les meilleurs moments d'assemblage requis. Et pour moi, la chronique Guess What avec les nouvelles dans le monde de la musique cette semaine. Ça en fait des affaires, ça! Ben oui! Faudrait être un petit peu stupide pour s'en aller, là. OK, reste là. Je ne pas vous traiter de stupide, là, mais c'est... partez pas, genre. Merci. C'est fou, ça. C'est très, très bon, hein? Puis je trouve que... 89 ans. Ça a été très bien enregistré, hein, cette cassette-là. Bon retour sur les palmarès, c'est fou pour la semaine du 18 au 24 octobre 2010. Et je vous dirais que, comme dans le bon vieux temps, si vous aimez, parce que là, la deuxième heure, elle va être excellente, là, elle va être excellente, moi, je préparerais mon petit lecteur cassette. Ouais, absolument. Pèser sur record quand il y a de bonnes chansons, là. Faire un petit mix personnel. Un petit mix de musique entraînante. Je me rappelle quand je faisais ça. J'arrivais de l'école, là, j'arrivais devant la radio, là, avec ma cassette prête. Puis là, quand tu réécoutais ta musique, il y avait tout plein de petits jingles de station de radio proche. Ouais. Ouais. Mais c'est pas grave, c'est tellement des beaux souvenirs. Tout à fait, tout à fait. On va continuer avec les positions numéro 14. Par contre, on va sauter par-dessus l'anglophone qui est Buddy McNeil and the Magic Mirrors et la pièce Help Me Mama. Ouais. Côté francophone, ça va être Ariel avec Fringué pour le Kill. Nouvelle entrée la semaine dernière, c'est maintenant à la 14e position. On écoute ça tout de suite dans les palmarès, c'est fou! Fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort, fort actualité, calendrier, sport équestre, tout ce que vous voulez, un ramassis. De l'intérêt se recommande, je qualifierais la séduction. C'est fouillu.ca. C'est fou en ligne. Une présentation de Infotech Internet. Le monde à l'endroit, la tête en haut, les pieds en bas. Une feinte au départ pour déjouer le scénario. La caméra pour voir de plus bas, pour trébucher une dernière fois, un dernier saut pour sentir le vent qui siffle plus fort que t'entends et qui en saute. Lion crow, your kingdom loaded in the stone hall. très bonne pièce de Land of Talk, la pièce Quarrymed. 13e position. Ouais, c'est très bon. C'est très bon, en effet. J'ai bien aimé aussi Oulnéa avec une feinte au trépas qui montait de la 17e place en 13e position. Et ça, Oulnéa, c'était nouveau la semaine passée. On aime ça. Oui, on aime ça. Ouais, un peu à la fois, je trouve, pour Oulnéa, pour moi, mais bon. Ouais, c'est ça. Peut-être pas l'album au complet, c'est un peu trop, mais une chanson, là, ça fait du bien. OK, oui. On va passer aux 12e positions à l'instant. Après ça, on va revenir et puis on va faire d'autres choses. Je dirais c'est un peu comme ça que ça marche une émission de radio, pour ceux qui ne connaissent pas. Tu passes en musique, tu reviens en parlant en disant absolument rien. Pour les palmarès, c'est fou parce que c'est un peu... On laisse parler de la musique, blablabla. Après ça, musique, blablabla, musique. C'est ça? C'est ça? Ouais, mais des fois, on a un peu de contenu, tu sais. On a à peu près trois contenus par émission. Ben, si tu veux, on pourrait faire un contenu après ce bloc-là. OK, parfait. Moi, dis-moi, je suis prête pour un contenu de nouvelles la semaine. Contenu de qualité, j'espère. Contenu guess what? J'aime tellement dire ça. Moi, j'aime ça guess faire mon gars surpris. C'était avec pas très beau, ça, j'imagine, mais bon. Avec tout ça, on va aller faire jouer la 12e position. Côté anglophone, ça va être Mellow Grove Band avec Ghosts Have My Back qui monte de seulement une position. Et c'est sa troisième semaine. Mais avant ça, on va entendre Jésus les filles avec On verra. Ça monte de deux. Et c'est maintenant. Maintenant. Maintenant. Vous écoutez les palmarès, c'est fou, 89.1 FM. Mally Grove Band avec Ghost Tap My Back monte une place en 12e position anglophone. Avant ça, du côté francophone, c'était Jésus les filles avec On verra qui monte de 2 positions. Maintenant, on met une petite moumoute, je pense que c'est le mot. Donc, corrige-moi si j'ai tort. Jaune sur nos micros pour parler d'actualités artistiques et culturelles. Voici Guess What. Guess what? Guess what? Guess what? Guess what? Qu'on se connaît? Guess what? Guess what? C'est comme un flash version indie, tu sais. C'était un peu la chose que j'essayais de faire. C'était un échec, comme ouais, toujours. Ouais, vraiment. Non, ça n'a pas du tout fonctionné. Non, ben c'est dans ma comment dire, tu sais. C'est mon genre. C'est ta marque de commerce. Ma marque de commerce. De j'aime pas ça. Marcher, tu sais. C'est ça. Bon, donc de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui dans ton bloc culturel? Première nouvelle que j'ai trouvée très drôle par le titre. Dans le fond, c'est le festival Glastonbury qui est super populaire au Royaume-Uni, qui est annulé pour 2012 dû au manque de toilettes portables. What? Oui, mais dans le fond, quand tu lis l'article, tu te rends compte que c'est comme logique. Dans le fond, c'est parce que le même été, il va aussi avoir les Olympiques à Londres. Ah, ben oui. Donc, il va manquer de toilettes portables et aussi, tu sais, c'est très secondaire, mais il va manquer de police. Mais il va manquer de toilettes portables, tu sais. OK. Hein? Ouais. Ça, c'est important. Bref, aussi, il y a une... Tu sais, tu connais Radio-Radio? Ça me dit quelque chose, là. Est-ce que tu savais qu'il faisait des petits épisodes au web qui s'appelle « Je savais pas mieux ». Ouais! Ça me dit quoi, mais pas sûr. Ben là, ils ont un nouvel épisode. OK. Ils sont sur un terrain de golf. OK. Ils sont très cool, comme d'habitude. Ah oui? Allez voir ça. Ils parlent de quoi, là-dedans? Ils donnent des trucs de golf. Ah, ben oui, ben c'est évident. Non, mais, je veux dire... Ça parle un peu de n'importe quoi, là. C'est, Radio-Radio, c'est en général du n'importe quoi. T'sais. Juste tout ce qu'ils font, la musique, les paroles, c'est tout n'importe quoi. En effet. Leur façon de s'habiller, n'importe quoi. Oui, mais on aime j'adore. Ça. C'est ça. J'adore. Bon. J'aime beaucoup leur style vestimentaire. On s'entend là-dessus. Oui. Prochaine nouvelle, nouvelle que j'aime beaucoup, c'est comme un peu la mode, les vidéoclips interactifs. On sait que Broken Bells l'ont fait, aussi Arcade Fire l'ont fait avec... le nouvel album de Suburbs, on entraîne notre adresse quand on était jeune, tout le kit. Et là, c'est Mister Valère qui s'ajoute à la liste. Ils ont fait un vidéoclip interactif pour la pièce Gumshoe. Dans le fond, c'est la caméra est comme placée au centre et c'est comme si on était dans un stationnement souterrain et on peut tourner la caméra vers le haut, vers le bas, à gauche, à droite et faire le tour, faire les 360 avec la flèche. Fait qu'on peut voir partout. Puis dans le fond, il y a les 5 gars qui sont autour de la caméra qui dansent. Puis après ça, il y a une grosse foule qui arrive, puis là, tout le monde danse. Puis ça bouge, là, c'est du mouvement. C'est pas comme, tu sais, dans le temps, il y avait les QuickTime VR sur Internet où tu pouvais aller dans une pièce, puis là, après ça, c'est bougé, mais ça, c'était des photos qui avaient été collées ensemble. Non, là, c'est vraiment vidéo, là. C'est vraiment cool. Incroyable. J'ai vraiment adoré. Puis c'est ça, il y a une foule qui arrive, tout le monde danse, il y a 5 autres gars qui arrivent, puis ça fait comme une bataille de danse. C'est très cool. En tout cas, j'ai vraiment adoré. Évidemment, les petites chorégraphies, Mister Valère adore faire des petites chorégraphies quétaines. Ouais. C'est vraiment leur marque de commerce, eux autres aussi. C'est ça, ben, y en a des meilleurs que d'autres. Hein? Ouais. Alors, c'est ça, allez voir ça. Puis en plus, même avec un ordinateur bien ordinaire, ça fonctionne très bien. Le vidéoclip n'a pas lagué du tout. Super. Donc, c'était très cool. Ensuite de ça, il y a aussi un nouveau vidéoclip, pas interactif, par contre, cette fois-ci, pour Best Coast. Arriéré, gang d'arriéré. Ouais, c'est ça. Pour la pièce Boyfriend de Best Coast, j'en avais déjà parlé dans mon plat favori, un groupe surf, pop, rock, assez tranquille, super bon. Ensuite de ça, Maxime Lemieux Laramé nous avait parlé de Warpaint la semaine dernière ou l'autre d'avant dans sa chronique Assemblage requis. Eh bien, leur nouvel album The Fool sort la semaine prochaine, mais on peut l'écouter au complet sur le site de somekindofawesome.com. On peut aussi aller voir le vidéoclip pour la pièce Undertow qui a été réalisée par Shannon Sossaman, l'actrice qui était dans le groupe avant. Eh bien, c'est elle qui a réalisé le vidéoclip. Oh. C'est celle que tu trouvais cute, là, que t'avais été voir des photos, là. Ouais, ça élimine pas grand monde, là, m'a dit. Mais... j'irai voir. Bon, c'est ça. Robin, la reine du pop électro, a sorti le premier extrait pour la dernière partie de la trilogie Body Part. La pièce s'intitule Indestructible et l'album au complet va sortir le 22 novembre prochain. Ensuite de ça, les Vulgaires Machins ont remporté cette semaine le prix Écho de la Socane. Le prix avait pour but d'identifier les nouvelles tendances actuelles sur la scène indépendante. Mais bon, c'est un peu à revoir parce que les Vulgaires Machins, disons que c'est pas vraiment un groupe émergent. Là. Non, c'est ça, ça. Ils ont émergé, ils pataugent au sommet depuis nombre d'années. C'est ça, ça fait quand même très longtemps. Mais c'est un des seuls groupes. Il y en a quelques-uns, tu sais. Mettons, je peux nommer peut-être, Radio-Radio, tu sais. Puis c'est ça, les Vulgaires Machins, bon. Qui sont comme à moitié entre ce qui pourrait jouer dans une radio commerciale beaucoup. Tu sais, parce que Vulgaires Machins, on s'entend, c'est pas mal le quota francophone des radios commerciales. Ouais. Et ça joue aussi assez fou parce que ça reste indie et ça reste à valeur culturelle, comment dire, tu sais. C'est pas fait pour l'argent. C'est du talent artistique. Ça. C'est ça, artistique, valeur artistique, j'aime bien la façon de dire. Ouais. Donc c'est ça, c'est comme borderline, comme ils disent. T'sais. Mais c'est ça, mais ça fait quand même 15 ans qu'ils font de la musique. Fait que c'est comme drôle qu'ils aient gagné le prix pour les nouvelles tendances parce que c'est pas nouveau du tout. Puis ils ont pas changé. Le son, hein. Le son. Mais pourtant, ça reste toujours aussi bon, même si c'est le même son. Ils réussissent à quand même avoir la cote, malgré tout. Ensuite, là-dessus, une nouvelle très drôle. On parlait de hipsters l'autre jour. Eh bien, le chanteur de Kings of Leon a dit en entrevue détester les hipsters. En entrevue avec le magazine Rolling Stone, j'ai trouvé ça très drôle parce que, de toute façon, les hipsters doivent pas vraiment aimer Kings of Leon vu qu'ils font des gros spectacles d'aréna, tout le kit, là. Genre, ça sent belle. Et justement, j'ai parlé du nouvel album de Kings of Leon, un peu trop commercial à mon goût. J'en parlais tantôt dans mon émission. Ton émission Une paix bêche en mission? Oui. Qui suit les palmarès et fous les jeudis à partir de 17h. On rappelle les mercredis à 15h. Toi, tu sais plugger ça une émission, hein? Que oui. Ensuite, il me reste deux petites nouvelles. Il y en a une que, dans le fond, je l'ai pris un peu sa slide. Ah ouais? Ouais, c'est hier, en écoutant le voir, il y avait James DiSalvio de Brand Van 3000 qui était en entrevue à l'émission Voir. Et ils ont mentionné vite peut-être un projet de film, de comédie musicale avec les pièces de The Garden. Mais James DiSalvio dit qu'il veut prendre son temps, trouver les bons producteurs, tout le kit. Mais j'ai trouvé ça assez intéressant, mais c'est ils nous en ont pas dit ben. On va suivre ça. Juste assez pour me titiller. Oui. Et finalement, dernière nouvelle, on peut voir une performance acoustique de OK Go avec la pièce White Knuckles. C'était dans les studios de WFPK et on reconnaît vraiment à peine la chanson. Là. Ça fait vraiment changement de la voir en version acoustique. Évidemment, il y a juste les guitares, pas de drum, rien, pas d'électro. Juste les guitares, mais ils ont aussi ralenti la chanson beaucoup et ça y donne vraiment un autre genre. Et j'aimerais tellement ça là, que OK Go vienne ici. T'sais, petite performance très ben intime. Oui. Là. Ça risque d'arriver, ça. Hein? Ben oui. Mais tu sais, quand tu vois une vidéo de OK Go live dans un studio, ça te donne-tu le goût? Ouais. Ça arrivera pas, mais tu sais, on aimerait ça. Ouais. Ouais. On va se contenter de le jouer quand on peut dans notre chronique Guess What, parce que c'est pas dans le palmarès. Ça l'a déjà été plusieurs fois, par contre. WTF, This Too Shall Pass, Needing, Getting. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y en a eu plein, c'est le palmarès, de juste cet album-là qui est super, super 2010. Super bon. Donc, on va écouter White Knuckles. Oui, pas la version acoustique. Version normale. Est-ce que t'as écouté les remixes? Non, j'ai pas écouté les remixes. C'est une nouvelle version du CD avec c'est la genre Deluxe Edition, le Super Mega Party Pack. Il y a 5 remixes de White Knuckles dedans. Après, je dirais une bonne dizaine d'écoutes, tu commences à les aimer. OK. Fait que je te conseille. Je vais aller voir ça sur Groove Shark si ça y est. Et voilà. Ah, ben ma petite flimeuse. Tu vas aller chercher la musique gratuitement sur Groove Shark. Ben non, je vais aller l'écouter, voir si j'aime ça. Ouais. Parce que si je vais l'écouter sur iTunes, j'entends juste 30 secondes. 10 fois 30 secondes, je pense que je vais me tanner plus que d'autres choses. T'as bien raison. OK, go White Knuckles sur C'est fou. Alors, les palmarès, c'est fou. Get what you want. White Knuckles d'OK Go dans la chronique Guess What? Guess What? Et oui, on parlait de ça parce que White Knuckles, nouveau vidéoclip en version acoustique dans les studios d'une autre radio qui n'est pas la nôtre. Non, parce que ça, ils viendront pas à Trois-Rivières. C'est juste parce qu'il n'y a pas assez de place. Oui, c'est ça. C'est vraiment juste l'espace du studio qui doit mesurer quoi à peu près 3 mètres cubes. Ouais. Okay. Si on enlève la table, il reste à peu près un mètre ou un demi-mètre, dépendant du côté. vous êtes toujours dans les palmarès C'est fou, condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. Top 20 francophone, top 20 anglophone, on se gâte, là, on en met les chansons dans votre radio. On est rendu aux positions numéro 11, presque la mi-chemin. Du côté anglophone, on va sauter par-dessus de Sadies avec Another Day Again. Oui, mais côté francophone, joie dans mon cœur, on va l'écouter, notre cœur. Ah ben, Colin, d'Alex Nevsky. Quel hasard, tu parles de cœur. Quel hasard. Hein? On dirait que j'ai pas fait exprès. Non, c'est ça. C'était très fluide. Peut-être qu'un jour, tu... Ouais. Oui, très fluide. Peut-être qu'un jour, tu t'essaieras avec des jeux de mots pour les numéros 1. Je pense pas. Non. Je veux pas me rabaisser tant que ça. Oh! Oh! Cœur bat parfois de l'aile, mais retrouve toujours sa lune qu'il ne remplit jamais de miel, car il tient trop à ses plumes, car il tient trop à ses plumes. Sa liberté a elle aussi sa part de ciel, notre cœur a lui aussi sa part de ciel, notre cœur a cœur à lui aussi, ça va.

10. Trucker. Tu t'en vas, t'es dans ton truck, t'as ta cargaison en arrière, t'es sur le frein Jacob, tout le kit, tu te demandes quoi écouter comme musique. Pose-toi pas trois questions, gros. Entre deux œufs bacon, syntonie CFOU. C'est fou au 89.1. Ouais, c'est un fond, dans le fond, pour qu'on revienne. Hein? Palmarès, c'est fou, C'est un fond des palmarès que je continuais de chanter par-dessus. Coquette, coquette de Of Montreal. Subtil. Ben, merci. Mordeuse. Strange to prove you were mythical. Oh my coquette, you use my voice as your earthly vehicle. Coquette, coquette, you know I won't forget how you hurt me twice to prove you were cynical. Oh my coquette. of Montreal avec Coquette Coquette à la 9e position côté anglophone. Du côté franco, c'était on a sauté par-dessus Sonny Duval avec Bikini, ça monte d'une place. Là, c'est le petit bloc de l'émission où on fait n'importe quoi, on saute par-dessus plein d'affaires, puis on vous explique ça bien en détail pour vous mêler. Puis où est-ce que Mathieu a bien de la misère? Moi, j'ai bien de la misère à suivre, c'est vrai. Est-ce que tu veux que j'explique? S'il te plaît. Dans le fond, là, on va faire jouer JP Dalpé, qui est à la 8e position. Mais on va skipper côté anglophone Iron Maiden avec Coming Home. Ah, eh bien, regardons ça, on saute par-dessus Iron Maiden, drôle. Hein? Qui est aussi à la 8e position. On fait rarement ça. Ensuite de ça, francophone, on skip par-dessus Alexandre Béliard avec la pièce Jack. Ça, c'est triste par contre. Oui, mais tu sais, ça faisait quand même 7 semaines qu'il était là. C'est le plus vieux et une fois de temps en temps, ben, pas le plus vieux, l'avant-dernier plus vieux. Ouais. Bref, des fois, il faut sauter par-dessus des vieilles affaires par manque de temps. Fait que c'est ça, qui est à la 7e position. Mais on va entendre la 7e position anglophone, Mr. Valère avec Brandon Marlowe. Donc, on entend la moitié de 4 pièces, donc 2 pièces. Oui, on entend Mr. Valère avec Brandon Marlowe, mais on commence avec JP Dalpé et Mauvaise Track. Dans les palmarès, c'est fou au 89.1 FM avec la vulgarisatrice en chef, Stéphanie Gagné, et l'épée en chef, Mathieu Plante. Mais l'épée a un beau gilet. Ah, thank you. Un beau chandail d'OK Go. Oui. Vu que vous le voyez pas. Ça a le logo de GameCube que François-Olivier misait. C'est vrai. C'est vrai. Tant de François-Olivier puis de moi, hein, tantôt les meilleurs moments d'assemblage requis, fait que... Ça s'en vient. Ça s'en vient. Depuis le temps que tu veux, depuis le temps que j'ai pas, ferme les yeux, prêt pour prêt on y va. Le chemin du rêve selon les règles de l'art, j'ai bien peur qu'il ne mène plus nulle part. Courtiser le ciel sans avoir un rond, les rêves en étoiles criblés de plomb. Sur la mauvaise traque, deux fous qui craquent, deux fous qui craquent. Passage et clandestin pour le hold-up du destin. Le vent vire de bord, deux fous qui craquent, deux fous qui craquent. On s'enfuira sans remords par la route du nord. L'argent nous liquide, je suis Buffalo Bill, Billy le Kid, on est Bonnie and Clyde. Pas besoin de quelqu'un qui connaît quelqu'un d'autre, qui paraît qui pourrait à nos frais. Quelqu'un hypothétiquement disposé à en discuter. I bring, I sing a Shakespeare. Valère, qu'on vient d'entendre à l'instant avec la pièce Brandon Marlowe, c'était le numéro 1 la semaine passée, c'est maintenant en 7e position et c'est la 7e semaine de présence de cette pièce, donc un petit relâchement. Hein? Oui, donc je pense que peut-être la semaine prochaine on la verra plus, peut-être qu'elle va être loin derrière. Peut-être, mais en même temps c'est déjà arrivé que des pièces remontent au sommet après un petit bout, donc tout peut arriver dans les palmarès, c'est fou, hein? Tout peut arriver. Tout peut arriver, même ce qui a l'air impossible pourrait arriver quand même. Juste avant ça, on a entendu J.P. Dalpé, 8e position avec la pièce Mauvaise Track. C'est la fin de la 2e heure des Palmarès C'est fou, mais on se retrouve tout à l'heure avec notre 3e et dernière heure. Il va y avoir, entre autres, l'entrevue avec Chantal Archambault tout à l'heure. Ça s'en vient juste après la pause. Restez avec nous. Ah, il y a un instant classique aussi. Oui. Puis top 5. Plein d'affaires. Plein d'affaires. Sans la mèche en marchant mécréant. C'est fou ça, 89.1. Anonyme, moi je perds mon temps en me mentant, affirmant être heureux. Mary Poe, c'est un hit, c'est un... Wesh! Peut-être un futur succès des palmarès, je sais pas. Ouais, mais en tout cas, te voir en train de faire du lip-sync, là, ça n'avait pas de prix. Oh! Hey, Colin. C'est le début de la troisième heure des palmarès. C'est fou pour la semaine du 18 au 24 octobre 2010. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Stéphanie Gagné. Et vous êtes les palmiers. Hey. Oui, et on est rendu à la sixième position. Oui, du côté anglophone, on va entendre Winter Sleep avec New Inheritors tout à l'heure. Oui, mais on commence avec la pâte à rose et la pièce Chocolat, qui elle aussi commence à... dans pas long, elle sera plus là, je pense. Ah ouais? C'est quand même sa huitième semaine, puis elle est encore à la sixième position. D'après moi, il en reste plus là. C'est Mystique Madame Gagné qui vous le dit. Ouais, j'ai vu ça dans ma boule de cristal. Oh, ouais. Don't work. Vraiment ça, moi, Winter Sleep. Vraiment très bon. La pièce s'appelle New Inheritors. C'est la pièce titre de leur plus récent album. C'est en position numéro 6 anglophone. Et justement, à côté francophone, à la 6e position, c'était Chocolove de la Patin Rose de leur EP Waikiki. Waikiki, mon petit kiki. C'était pas adressé à toi, c'était juste en général comme ça. Je me suis pas senti interpellé. Tant mieux. Position numéro 5, on va aller tout de suite entendre la position francophone. Oui, ça va être Danny Placard avec Madame Lou. Oui, oh, on avait Danny Placard en entrevue la semaine dernière ici même dans les Palmarès. C'est fou, fait d'hiver comme ça que je vous renseigne. C'est tout. Et fait d'hiver la semaine prochaine. Je suis très heureuse, c'est officiel depuis quelques minutes. On va avoir Vincent Vallière en entrevue. Vincenzo Vallière, ça. Je sais pas ce que j'ai avec l'espagnol aujourd'hui. Écœurant. Vincenzo Vallière. Tu fais ce métier-là depuis 35 ans. J'en ai connu aucune qui joue avec l'amour autant. Comment tu fais pour te virer de bord rien que de temps en temps? Une heure pensée avec toi, puis tout part en coup de vent. Tu finis par prendre racine au coin d'une rue. Semblant que personne t'a vu. T'es tombé en bas de tes talons. Madame Lou, travailles-tu à soir? Yes, Orphans de Gaslight Anthem en position numéro 5. Ça monte de 3 places. On va entendre les quatrièmes dans quelques secondes. Et après ça, qu'est-ce qu'il va avoir? Après ça, c'est l'entrevue avec Chantal Archambault. Donc, on s'en va tout de suite écouter la quatrième position côté francophone. C'est Radio Radio avec Enfant spécial, 7e semaine au palmarès. Oui, sur C'est fou 89.1 FM. Aqui

Il rit pas de mon rire. Oh, c'est un rire taquin. On va faire ça très vite, dit le gars qui met une intro de 20 secondes pour chaque chronique qu'il fait. Chante bien, François, je trouve. Je chante très bien. Oui, t'as-tu m'entendu? Oui, un peu. Ah, je suis un peu gêné. Je pensais que la musique t'as assez forte pour te cacher. Hein? Ouais, exact. Ouais. Pas que je m'en fous complètement, mais pas loin. C'est proche. Là. C'est très près. C'est très, très près. 89 FM. El Radio Campus. De Trois-Rivières. C'est quoi? C'est Tres Rivières. Genre. Mais t'as-tu entendu, Mathieu, là, péter la coche sur les croques en canon? Non. OK, bon. C'est peut-être pour ça que t'es de bonne humeur aujourd'hui. la loi 115. Simon Fédibé, tu le restes avec nous, comme toujours? Oui, on va essayer. Tu vas devoir changer ton nom, par exemple. Je pense que t'as pas l'autre, t'appeler Fitzbé, par exemple. Il va falloir que tu t'appelles... Fitzdé? Non, c'est ça, quelque chose en français, plus. T'sais. Pourquoi? Pourquoi, Mathieu? Roger Joubert. C'est trop anglophone. Roger Joubert. Oh, j'aime ça, on dirait. En ce moment, non. C'est le moment de se lever debout. Tous, parce que là, on était tous à genoux, évidemment, comme à l'église. On se lève. Oui, notre chance, c'était comme dans l'église. Vous voyez comme moi, on s'améliore de jour en jour. Ben oui, de jour en jour. Ben d'ici au mois d'avril, ça va être clean pas mal. Ça va être... ça coche, mon ami. C'était les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 18 octobre 2010. On a eu du plaisir, comme toujours. Comme toujours. Il y a bien des affaires pas super catholiques, comme avec tes foufounes. Oui, mes foufounes étaient marquantes, je trouve. Plus qu'à l'habitude. Oui. Jeu de mots de trace de... Ouais. Donc, c'est la fin des palmarès. On doit se quitter. On manque de temps. Que voulez-vous? Des fois, on a tellement de contenu et de matériel à faire, à écouler. Que des fois, on doit sauter par-dessus plein de choses. Donc, on se rend directement, on se téléporte, comme moi le matin, parce que je veux pas être dehors. On se téléporte aux positions numéro 1. On va se quitter avec, en anglo, Tokyo Police Club et Bambi qui monte de 11 places. Et le numéro 1 francophone, c'est Atomic Baobab avec Bombe Cérébrale qui monte de 14 positions. Ouh, quand même! C'est sa troisième semaine et elle était à la 15e position la semaine dernière. Drette sur le top, toi. Oui. Ouais, number one, Cerise sur Sunday. Parle de Cerise sur le Sunday, une pain mèche en mission suit à 17h pour les auditeurs du jeudi. Stéphanie, qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient? Il y a des bons albums cette semaine. Brand Van 3000, Jimmy Hunt. On va aussi entendre Chic Gamine, Florence and the Machine. On va entendre OK Go, qu'on a été voir la semaine dernière. Malajume, plein de bonnes choses. C'était Alpha Bêche en mission. C'est jeudi 17h, on rappelle mercredi 15h. Nous, on se retrouve la semaine prochaine au Palmarès C'est fou. C'est les jeudis entre 14h et 17h. Et en rediffusion, les vendredis de 17h à 20h. Les auditeurs du vendredi vont aller entendre Les Lutins de l'Enfer à 20h. Donc, restez là pour ça. On se quitte, comme je le disais, sur les numéros 1. Et puis, on se retrouve lundi matin à 7h à Assemblage Requis. Bonne fin de semaine, Stéphanie. Bonne semaine, Mathieu. Bonne émission. Merci. Bye, les palmiers. Step into the raisonable. You don't. tonight.